Cette chambre, tendue de perses à fleurs roses et à feuillages verts sur un fond blanc, sans cesse frappée par le soleil ainsi que le tapis, avait passé. Depuis longtemps, les rideaux n'avaient pas été blanchis. On y sentait la fumée du cigare de Venceslas, qui, devenu grand seigneur de l'art et né gentilhomme, déposait les cendres du tabac sur les bras des fauteuils, sur les plus jolies choses, en homme aimé de qui l'on souffre tout, en homme riche qui ne prend pas de soins bourgeois. « Eh bien, parlons de tes affaires, » demanda Lisbeth, en voyant sa cousine muette dans le fauteuil où elle s'était plongée. « Mais qu'as-tu ? Je te trouve palote, ma chère. » Il a paru deux nouveaux articles où mon pauvre Venceslas s'est abîmé. Je les ai lus. Je les lui cache, car il se découragerait tout à fait. Le marbre du maréchal Montcornet est regardé comme tout à fait mauvais. On fait grâce aux bas-reliefs pour vanter avec une atroce perfidie le talent d'ornemaniste de Venceslas, et afin de donner plus de poids à cette opinion que l'art sévère nous est interdit. Steedman, supplié par moi de dire la vérité, m'a désespéré en m'avouant que son opinion à lui s'accordait avec celle de tous les artistes, des critiques et du public. « Si Venceslas, m'a-t-il dit, là, dans le jardin avant le déjeuner, n'expose pas, l'année prochaine, un chef-d'œuvre, il doit abandonner la grande sculpture et s'en tenir aux idylles, aux figurines, aux œuvres de bijouterie et de haute orfèvrerie.